My name is Bruce Wayne. And I am the fastest man alive. If you don't listen to me, you'd be dead by morning. Well, there will be chaos. Rivers of blood in the streets. Look around. The enemy has the advantage. They're screwing with the wrong people. There will be light. But we have to fight on for those we've lost. And then they'll disappear, become ghosts. To honor my friend's memory, I must be someone else. And something tells me it's gotta catch on. Et pour cette dernière émission de l'année et ce dernier bilan de l'année, dernier débrief dans Sur nos écrans, je suis accompagné seulement de Léo. Salut. Logique, on va parler de Gotham. Évidemment. Il n'y a plus que nous, c'était comme pour Heroes Reborn il y a deux semaines. Voilà. On a perdu deux, trois gens en route, mais nous résistons. C'est ça. Même question hein, que pour Heroes Reborn. Est-ce qu'on a eu raison de résister avec Gotham? Toi, je sais que ta réponse... voilà, je pose vraiment la question. Je ne vois pas me dire non à moins d'un immense revirement de situation qui serait le twist de 2015. Je te pose la question pour la forme. Ah oui, oui, oui. Oui. Plusieurs fois, oui. Toujours autant d'enthousiasme qu'après la saison 1 ou... Petite reculade, un petit sentiment un peu plus partagé sur certaines choses, je sais pas. Hein. Bah, pour la saison 1, pour la saison 1, c'était plus le début, globalement dans la forme, j'avais vraiment aimé, mais avec du recul, c'était plus le début qui était moins enthousiasmant, un peu trop cas par cas, quoi. Et la fin, et plus on avançait, et plus je trouvais que la fin était sympa, la fin était sympa à voir et à regarder. Là, j'ai une vraie montée d'enthousiasme. Vraiment, clairement, j'aime beaucoup cette saison 2. Mais c'est peut-être le final, je m'attendais à un peu plus quand même. J'avais un chouïa de déception sur le final, mais bon, globalement satisfait. Ok. Pour ma part, et c'était quand même le début de revirement, hein, la dernière fois qu'on avait parlé de Gotham, où j'avais quand même émis des choses positives. Voilà, y a des choses qui m'avaient... plutôt plus par rapport, voilà, sans non plus m'enflammer, hein, sans non plus me mettre à dire que ça y est, Gotham, c'était une bonne série, etc. Enfin voilà, on reste dans les mesures habituelles. Notamment sur le final, il y a pas mal de choses à dire, parce que c'est un final de mi-saison qui m'a presque enthousiasmé, quoi. C'est-à-dire que je me suis dit, ah ouais, enfin voilà, il y a des choses qui m'intéressaient, j'avais pour la première fois envie de voir un petit peu ce qui allait se passer. Et là, on a les trois dernières minutes qui ont tout foutu en l'air. Les fameuses trois dernières. Et du coup, retour à la case départ, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ces trois dernières putains de minutes, là, je les digère pas. Et elles ont tout gâché. Une espèce de rédemption que la série avait entamée avec toute cette deuxième moitié de saison. Vas-y, alors explique pour tout le monde, du coup, ce qui t'avait... Ces trois fameuses dernières minutes où on a la conclusion hein, de l'intrigue autour de... Enfin, conclusion ou pas, finalement, autour de, de Galavan. Mm-hmm. Galavan qui se trouve arrêté par Gordon, et puis finalement le pingouin qui débarque et qui convainc Gordon de régler ça à sa manière. Voilà. Jusque là on se dit pourquoi pas, Galavan a fait tellement de mal notamment à Gordon vis-à-vis avec Barbara et compagnie, enfin, on se dit bon que Gordon ferme les yeux sur le fait que ce soit le pingouin qui assouvisse sa vengeance, passe encore, mais que ce soit Gordon qui tire et qui prenne une arme, qui tire pour exécuter Galavan, non, c'est pas possible. Gordon, le chevalier blanc de Gotham qui va être là pour nettoyer la ville, hein. Qu'on nous présente pour nettoyer la ville, etc. Là, ça y est, pendant toute la demi-saison, certes, on l'a vu quand même assez borderline par moment, et là, ça y est, il franchit le pas et il devient aussi pourri que les autres. Non. Bah, cela dit, il est plus très blanc, Gordon. Et quelque part, bon, le fait bah, déjà rien que ces arrangements avec le pingouin, notamment, enfin voilà, oui, effectivement. Ils tuent les gens quand même, hein, tu vois. Enfin, ils n'hésitent pas quand ils tirent, tu vois, et qu'ils doivent tuer. Bon, un peu en légitime défense, bien sûr, quelque part. Mais oui, mais voilà, c'est pas le même cas. Là, c'est deux sang froid, ouais. Un mec désarmé, à genoux à terre, attaché. Deux sang froid, il va lui coller une balle entre les deux yeux. Bah non, pas Gordon. C'est-à-dire que je pense qu'il y a là une vraie référence au début de la série, au premier épisode, où on lui demandait de buter le pingouin pour montrer qu'il était des leurs, quoi. Et là, là où j'ai eu peut-être le plus de mal, c'est que justement, il ne le montrait pas et qu'il laisse une certaine ambiguïté par rapport à... par rapport au fait que ce soit Gordon qui ait tiré et qu'en effet, il lui ait bien collé une balle dans la tête. Donc là, ça laisse autre. Et surtout qu'en plus, après, on voit. Alors, je ne me souviens pas, mais je suis pas sûr qu'on voit un impact sur la gueule de Galavan. Et surtout, on le voit avec un parapluie en travers de la gorge, qui visiblement l'a un peu achevé. Et puis peut-être qu'il camoufle là le fait que ce soit le pingouin qui ait mis ça pour prendre la responsabilité, tout ça, sachant que c'est surtout le pingouin qui voulait le buter. Oui. Voilà. En fait, ce qui m'a gêné, c'est qu'il y a un petit flou là-dessus et qu'on ne le saura pas avant le retour de la série. Ouais, mais enfin Mais voilà, moi c'est. après qu'il tue, ça m'a pas choqué sur le coup parce que en effet, encore une fois, il est vraiment plus tout blanc, Gordon, et que même, enfin, alors je me trompe peut-être, mais même dans les comics, il n'hésite pas franchement à tuer, si. Enfin, il y a quand même une chose qu'on n'enlèvera pas à Gordon, c'est que Gordon a toujours été du bon côté de la ligne. Oui. Il a peut-être tué, effectivement, mais en cas de légitime défense ou voilà, enfin, jamais que dans ces circonstances-là, de sang-froid, un mec à terre, attaché, enfin, désarmé, enfin, voilà, non. Ouais. C'est le flic blanc, quoi. C'est le flic contre la corruption, Oui. contre toute la pourriture qui gangrène Gotham. C'est voilà, dans Gotham, il y a effectivement Batman qui va prendre cette place, encore que lui, il va le faire du côté Un peu plus dark. un peu plus dark et un peu plus moins Torturé. de concessions parfois. Mais voilà, ils étaient trois à l'époque aussi, même avec Harvey Dent à un moment avant qu'Harvey Dent ne devienne double face. Et voilà, et Gotham, enfin. Gordon, c'est le chevalier blanc de Gotham versus le chevalier noir qui est Batman. Et là, c'est pas ça. Enfin, on est complètement à côté. On est parti sur complètement autre chose. Ça Et dépend. Ça bah, dépend comment il peut revenir maintenant? Enfin. de comment ils vont traiter ça, surtout en plus avec l'arrivée de Mister Freeze qui a été teasé. Ça dépend comment ils vont l'agencer ensuite en suite de saison. Parce que là, soit ils ont fait en effet un choix drastique et bon, en effet, alors il faut voir sur la durée. Soit alors ils nous ont fait un flou scénaristique et il l'a pas forcément tué et tout. Et là aussi, ça pourra être discutable. Mais surtout, je pense qu'ils ont vraiment accentué le côté vraiment sombre de Gordon qui avait été commencé avec la fin de saison 1 avec Falcon Fish Mooney tout ça bon et là ils l'ont vraiment vraiment accentué surtout que Gordon n'a pas du tout apprécié d'être pris pour une bille par Galavan tout ce temps-là et qu'il lui colle une balle. Ouais, non, c'est peut-être un peu trop radical en fait d'un coup genre de le faire vraiment tuer quelqu'un. C'est ouais, non mais je peux comprendre, c'est vrai, le choix peut apparaître discutable, mais bon, c'est en fait ce qui est vraiment embêtant, c'est qu'on saura pas vraiment vraiment avant le retour de Ouais, la c'est série ça. Mais enfin bon, ça fait quand même peu de doute, quoi. Même si c'est pas lui qui l'a tué, qui a porté le coup mortel, il a quand il lui même a tiré dessus, tiré, ouais. il a eu l'intention de le faire et il est passé à l'acte. Donc même si le coup mortel ne vient pas de lui, enfin, ça change rien pour moi. Bah, en fait, surtout, ils ont. Enfin, là, ça me fait repenser à un truc, c'est que tu vois, enfin, ils ont vraiment fait un truc sur tirer, pas tirer dans les épisodes, dans les deux épisodes finaux, je crois. C'est Gordon qui avait hésité à tirer sur je sais plus qui, tout ça, et qu'il avait regretté. Il avait hésité aussi à tirer même sur Barbara ou sur d'autres gens. Et là, il se dit, bon, il faut vraiment que je le fasse parce que il faut que en passer par là aussi pour éliminer carrément une figure de la corruption de Gotham. Donc voilà, il y a plusieurs choix et par rapport à l'embrayage scénaristique qui a été choisi dans la saison ici, c'est pas complètement complètement injustifié, tu vois. Mais c'est vrai que bon, ça reste Gordon et ça reste toujours un petit peu particulier, plus que si c'était Bullock par exemple. C'est ça. Qui lui a déjà les mains dans le cambouis depuis un Non, mais certain voilà, temps. carrément. Bon, on va pas s'attarder sur le cas de Gordon. Voilà, bon, pour moi, c'est un des gros problèmes de cette mi-saison. Le deuxième, c'est évidemment David Mazouz. Enfin, voilà, ça devient quand même vraiment problématique, quoi. Il est moins pire que dans la saison 1, j'ai trouvé. Oh, je sais pas. Hein. Franchement, je sais pas. Bah, il est dans la saison 1, c'était vraiment un gamin apeuré qui servait à rien. Bon, à part une fois, il s'introduit avec l'aide de Selina pour choper des documents, mais c'est tout. Là, bah, surtout, en fait, le problème de Bruce Wayne, c'est qu'il a plus été un objet qu'un acteur vraiment principal, sauf sur la fin. Avec l'aide de The Knife là, il a surtout été un objet quoi, parce que il s'est complètement fait manipuler par Silver. Donc, De là, enfin, c'est Ouais, sûr que ça l'a pas aidé, quoi. Ça n'a pas aidé le personnage. je sais pas, il y a. Enfin, quand même, la manière dont il se joue de Silver avec l'aide d'un mercenaire, tu vois, pour lui faire peur, ça, c'était quand même cool. On peut le mettre à son Oui, crédit. à la rigueur, mais c'est vraiment un petit coup d'éclat, une petite étincelle Oui, c'est ça. au milieu de tout le reste, quoi. Enfin. Bah, c'est ça. Le problème, c'est qu'il s'appelle Bruce Wayne aussi. Alors, forcément, c'est très dur à porter. Et. Ouais, mais quand même. Ouais. Bon, alors après, il y a lui, effectivement, mais il y a aussi la manière dont il est écrit. Et voilà. Oui, je pense aussi. Il n'est pas seul responsable du fiasco autour de son personnage, hein, mais il emporte quand même une grande responsabilité. Non, mais c'est sûr. Puis surtout, enfin, l'amourette entre gamin de 15 ans, quoi. Ouais, non, ça c'est. Oui, Bon. effectivement. Silver et Bruce à 15 ans déjà. Bon. Ouais, et puis Célina, pareil. Enfin, ouais, petit triangle là, amoureux déjà. C'est assez mauvais ça. Alfred passe. Moi, Donc, je l'aime bien. voilà, le Alfred, voilà, il me dérange pas. C'est des versions un peu badass et tout. Oui, ils n'ont jamais. D'ailleurs, enfin, de base, sur toutes les œuvres Batman, il n'y a jamais eu vraiment de problème en termes de choix du personnage de, enfin, de l'acteur d'Alfred. Hein. En général, ça a toujours été une Oui, ça figure s'est toujours plutôt bien passé. voilà, qui a jamais été complètement mise à l'écart et qui a toujours un certain rôle à jouer, que ce soit. Donc là, j'aime bien le fait d'avoir l'Alfred qui correspond à celui de Terre 1, plus ou moins dans les comics, Oui, c'est-à-dire celui voilà. qui est ancien marine, enfin ancien soldat, qui n'hésite pas à se remonter les manches et à aller casser des gueules de temps en temps quand la situation le nécessite. Donc voilà, c'est. C'est Voilà, sympa, oui. Le rapport est un peu inversé, puisque maintenant Bruce Wayne est un enfant et qui se défend pas non plus spécialement bien. C'est Alfred qui fait vraiment tout pour lui. Voilà, qui donc va le c'est. former, etc. Enfin voilà. Voilà. Et d'ailleurs, je me trompe peut-être, mais j'avais vu que Alfred a une aventure normalement avec le docteur Lee Tompkins aussi dans les comics, Oui. il me semble. Et là, je me demande s'ils n'ont pas un peu joué là-dessus quand Alfred a tenté de draguer un petit peu Lee à la réception des Galavan là-bas, avant que Théo tue Jérôme. Je pense qu'ils ont peut-être un peu joué là-dessus sur le fait que normalement enfin, il ait une aventure avec elle, quoi. Ouais. D'ailleurs, Jérôme. Oh. Bah, je suis partagé parce que dans la première partie du diptyque qui lui est consacré, on avait déjà parlé dans le débrief qu'on avait fait à cette époque-là, j'avais trouvé plutôt intéressante la manière dont il avait été développé. Il avait vraiment un côté fou, furieux qui me déplaisait pas. Et dans la deuxième partie de ce diptyque, bah, on est reparti sur le Jérôme du premier épisode quand il est apparu dans la saison 1, que j'avais trouvé détestable et on était trop quoi. On était trop dans le. Attention, c'est le Joker. Attention, c'est le Joker. Et puis pour au final, non quoi. Bah, cela dit, c'est bien qu'ils aient annulé le fait que ce soit le Joker, parce que, enfin, tout le monde s'y est mis à y croire, parce que c'était le Joker, parce que c'était le personnage, la némésis de Batman, le Mais mec qui oui. va, voilà, quoi. Et du coup, ils ont vraiment fait croire à tout le monde, et en le tuant, c'était vraiment un symbolique de dire, bon, bah, les mecs, ça aurait pu être le Joker, on en a rien à foutre, on le bute, et voilà, mais alors, il se trouve que c'est pas le Joker, et donc voilà, maintenant, vous allez pouvoir arrêter de faire une fixette par rapport à ça, surtout, bon, parce que c'est une des critiques qu'a subi Gotham. Et donc c'est pas plus mal. Après, enfin bon, il bouffe pas trop l'écran au moins. Du coup, il en fait pas trop. Enfin genre vraiment too much pour vraiment juste couvrir l'atmosphère, quoi. Et je trouve que enfin quelque part enfin le personnage a plutôt été bien traité de ce point de vue-là, parce que tout le monde, enfin tous les fans de comics se sont donnés un peu à cœur joie pour bâcher le fait que ce soit éventuellement le Joker. Et les producteurs ont jamais dit oui, ont jamais dit non, et donc ils l'ont buté. Voilà, maintenant ils ont dit bon bah prenez-nous un peu au sérieux, quoi. Vous pouvez vous arrêter de nous clasher par rapport un peu aux comics. On nous a servi une représentation du Joker et on a eu aucun mal à le tuer. Donc je trouve que c'est plutôt bien joué de ce point de vue-là. Bah, à la rigueur, heureusement, c'est pas lui, hein. Oui, après Parce oui. que voilà, ça aurait été un peu gênant aussi. Barbara, je sais pas, ça vaut le coup qu'on en parle, quoi. C'était de pire en pire. Ben ça, c'est vraiment un choix drastique là aussi. Hein. Genre, Oui, bon, à la rigueur, mais même moi, je parle de l'actrice, quoi. Oui, non, mais je C'est parlais pas forcément dans un sens positif. Hein. C'est sûr, l'actrice, ça c'est pas possible. Hein. L'actrice, c'est une catastrophe. voilà, donc on en est débarrassé a priori. Ah, pour un certain temps, hein. À moins qu'elle ait des facultés méconnues, je pense qu'elle en a pour un bout de temps. Voilà, après, On n'a pas vu de corps, on n'a rien vu, on ne sait pas. Ou alors j'ai raté quelque chose, mais voilà, on ne sait pas trop dans quel état elle est et comment elle s'en est sortie, si elle s'en est sortie ou quoi. Oui, voilà, elle est censée avoir tous les os du corps brisés, à mon avis, elle est dans... Enfin, normalement, on ne devrait pas la revoir pendant un bout de temps, et c'est pas plus mal. C'est ça. La romance entre Gordon Lee. et Lee. Bon. Bah, ils avaient pourtant dit. Moi, j'ai un problème avec Lee, donc. Attends, non, mais ils avaient pourtant dit que leur romance allait connaître des remous, que ça pourrait tendre vers quelque chose. Donc, je trouve qu'on s'est pas mal attendu à une rupture. Au final, bon, bah, ça bouge pas non plus des masses, quoi. Elle est vraiment très, très tolérante, Lee, quand même. Ah bah oui. Franco, il roule une pelle à son ex, genre en face d'elle, son ex qui a complètement mal tourné, qui est devenue complètement folle, il lui roule une pelle, et Lee, elle dit, faut qu'on parle, et ils en parlent jamais. Ah oui, non, mais c'est terrible. C'est un peu, voilà, quoi. C'est un peu, bon, bah, je t'ai trompé, mais sinon, on couche, on reprend, ça va bien. Mais Oui, bon. non, c'est... Ouais. Après, je trouve qu'ils l'ont traité un peu sur le mode comique, là, tu sais, avec le capitaine qui dit tout le monde sait que vous vous tapez la médecin légiste, c'est bon, basta. Oui, non, il y a des choses. D'ailleurs, j'aime bien ce capitaine. J'aime beaucoup, hein, c'est pas abusé, mais j'aime bien ce capitaine. Oui, il est bien, hein. Et t'as vu que c'est le mec qui jouait la chose dans les premiers Quatre Oui, Fantastiques? Oui, je trouve qu'il est bien, le décidément, personnage. il passe de Caraïbes dans ce style-là, j'ai envie de dire. Ouais. Des C'est un Quatre peu ça, Fantastiques c'est. à Ouh, Gotham. Il a pas. Voilà, on peut pas dire qu'il a habitué au chef-d'œuvre. Après, du coup, oui, non, moi je l'aime bien ce personnage-là. Moi, j'ai un problème avec Lee de toute façon, donc je sais Bon, pas. après, là aussi, elle prend pas trop de place. Elle est là pour un peu Après, je assurer sais pas un. si j'ai un problème avec Lee ou avec Morena Baccarin. Oui, peut-être aussi, mais. Ah, peut-être pas, parce que Morena Baccarin, tu avais peut-être pas de problème avec elle quand elle jouait la voix de Gideon dans Flash. Enfin, c'était qu'une voix, tu me diras, bon. Oui, voilà, ça me dérangeait pas. Mais là, c'est surtout un contre, enfin, c'est surtout un gros contrepoint à Gordon, quoi, notamment parce que c'est limite son punching ball, en fait. Mais c'est un punching ball qui donne des câlins après qu'ils prennent des claques dans la gueule, quoi. Donc bon, Mais je. d'ailleurs, la révélation finale sur je suis enceinte et viens, on se casse et on part de Gotham, ça aussi, j'ai trouvé que c'était un peu dommage, quoi. Enfin, c'était un peu trop facile. Puis par Ouais. rapport à tout ce qu'ils ont connu pendant 10 épisodes, elle lui dit juste je suis enceinte, comme ça, elle le ramène avec lui. Et il Ouais, doit avoir la vie, hein. c'est un peu facile aussi. Ouais, moi, Mariage. c'est bizarre parce que du coup, il y a plein de trucs qui marquent une espèce de bonne volonté, une espèce de rédemption pour la série. Enfin voilà, des choses intéressantes. Une fois qu'on a accepté le côté Elseworld des compagnies, puisque de toute façon, faut l'accepter. Hein, c'est pas la Gotham des comics. C'est pas Ah le. non, Voilà. mais clairement, tu vois, c'est ce que tu as. Bon, moi, je défends la série aussi par rapport à ça, hein, parce que clairement, il faut pas se braquer par rapport aux comics et par rapport au fait que ça respecterait ou pas. Clairement, ils en ont, enfin, c'est pas qu'ils en ont rien à foutre, mais ça reste juste une base pour ensuite faire quelque chose de complètement différent, voire complètement exacerbé, voire complètement inversé. Il suffit de voir la Firefly qui est devenue une femme alors que c'était un homme, quoi. C'est une femme et Oui, c'est. bon, on saura leur ailleurs. Mais voilà, une fois que ce côté Elseworld est accepté, il y a plein de choses qui sont plus faciles à digérer, c'est clair. Ah oui, non, c'est il y a des choses. Après, sur certains personnages, encore une fois, Gordon, quoi. C'est une des choses qui n'est pas variable. Il y a la ville de Gotham qui est pourrie, qui a la corruption. Ça, c'est une chose non variable avec Gotham. Enfin, toutes les Gotham sont comme ça. Et tous les Gordon sont des chevaliers blancs. Et du coup, si vraiment on se dirige vers cette direction-là, pourquoi l'avoir appelé Gordon à ce compte-là? C'est vrai, mais il joue pas mal sur les noms, enfin, sur cette série, quoi. Là encore, il faudra attendre de voir ce qu'on aura fin février quand la série reviendra. Mais Oui. Voilà. Quelque chose qui m'a fait bien rire quand même aussi et qui m'inquiète un peu pour la suite, c'est le Mr. Freeze du pauvre. Qu'on a eu à la fin du une espèce de petit cliff de demi-saison là, scène supplémentaire, mais même Captain Cold, enfin c'est un Captain Cold de Gotham quoi. C'est un peu ça. Bah, faut dire, c'est à quel point est-ce qu'ils vont nous mettre mis en. Alors d'ailleurs, j'ai une question. Mr. Freeze, quand sa première rencontre avec Batman, c'est quelqu'un de normal ou il est déjà devenu C'est fou? Victor Fries. Enfin, c'est Victor Fries qui a perdu sa femme Nora, etc. Enfin, voilà, Oui. et qui va se venger, machin, tout ça. Mais il a été Victor Fries, oui. On l'a vu en tant que Victor Fries, en tant que docteur, machin, tout ça. Mais on le voit Je crois que c'est Mister Freeze qui apparaît d'abord et c'est après qu'on découvre qui il était avant, etc. Et comme dans les comics, il y a des histoires qui se jouent dans le passé, dans le présent, enfin voilà, selon les auteurs ou tout. Mais on l'a déjà vu en tant que Victor Fries sans être, oui. Et donc Mister Freeze préexiste à Batman. Ben non. Non, c'est plutôt Mais l'inverse. c'est comme tous les autres méchants, hein. Enfin. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que Le ben, Riddler, c'est pareil, il arrive pas, enfin jamais il arrive avant Batman. Le Pingouin, c'est, enfin le Pingouin, non, c'est pareil, on en entend parler tard dans l'histoire, enfin tard dans l'histoire de Batman. Le Joker, pareil, il arrive après Batman, enfin. Oui, c'est ça. Là du coup, c'est un peu Gordon qui a plus ou moins la place de Batman. C'est surtout défini par rapport à lui. Et les méchants arrivent à apparaître à ce moment-là. Bon, pas à l'aura qu'ils ont dans les comics ou même dans les jeux, dans les films, tout ça. Mais par rapport à Gordon, par rapport à Gordon qui n'est pas, par exemple, celui de Gary Oldman dans les films. Donc voilà. Mais là, visiblement, on a un Mister Freeze qui préexiste. Ah bah oui, mais comme tous, hein, comme tous les autres méchants, ils préexistent, bah, enfin ils existent, ils arrivent avant Batman. Donc ouais, donc voilà. Bien Donc, avant d'ailleurs. mais oui, c'est de faire après sur son design et sur sa manière d'être. Bon, on verra peut-être plus en majesté, en tout cas on l'espère. Bon, parce qu'il ressemble pas non plus à Arnold Schwarzenegger dans Batman et Robin, donc ça va. Non, mais dans son registre, il est pas mieux, hein. Ah, ça dépend s'il a des punchlines pourries. Non mais le costume quoi. Enfin, c'est quoi ce costume? C'est quoi ce flingue? C'est enfin tout quoi. Il y a rien qui va dans ce frise-là. Enfin, je sais pas. Je sais pas comment ils ont pu faire, comment ils ont pu partir là-dessus. À quel moment il y a un mec qui s'est dit, ah ouais, celui-là, son design, il est super. C'est pas possible. Ouais, c'est pas très très, c'est pas non plus super beau, ouais, mais bon, Ça te fait mal de dire des choses négatives, je le sens, mais. Non, non, non. Non, en fait, je suis en train d'essayer de trouver une image. Ah oui, non, en fait, d'accord, oui, non, je m'en souvenais pas aussi bien. Non, d'accord, ok, j'ai rien dit. C'est vrai qu'il est. Dégueulasse. Ouais, on dirait vraiment Captain Cold, mais qui aurait pété un câble. Ouais, mais c'est ça, c'est Captain Cole qui a mal tourné, quoi. Les lunettes, C'est pas c'est possible. édifiant. Voilà. D'accord. Non, d'accord, ok, j'ai rien dit. D'accord. Donc j'ai pas hâte de le voir celui-là dans la deuxième moitié de saison par exemple. Enfin, Ouais, avec un peu de bol, ils nous le remettront un peu plus en majesté que ça, je suis pas mais sûr. ouais. Voilà, gros problème, Mister Freeze, ça va être le prochain gros dossier, à mon avis, dans nos prochains débriefs de la série. Si Arnaud récupère la série et qu'il arrive et qu'il voit Mister Freeze, il va faire un arrêt cardiaque, on va le perdre, moi je te le Il y dis. a moyen, il y a moyen. On va s'arrêter là pour cette mi-saison. De toute façon, je vais aussi continuer, hein, ne serait-ce que pour pouvoir faire les bilans avec toi. On verra. Voilà, j'attends rien de toute façon de cette série, donc je peux ni en être déçu, enfin je peux plus en être déçu. Je Non. peux avoir que de bonnes surprises par moment, donc bon, pourquoi pas. D'ailleurs, une dernière chose quand même, le pingouin et Enigma, puisque toi t'aimes beaucoup Enigma, moi j'aime beaucoup le pingouin, et la rencontre entre les deux, comment tu l'as senti? Alors, j'aime beaucoup Enigma, pas celui-là. Hein. Oui, bon, pas celui-là, J'aime beaucoup Enigma forcément. dans les comics, voilà. Le Riddler, mais pas lui. Mais il n'est pas horrible, ça va. À la rigueur, c'est peut-être celui qu'ils ont avec le pingouin, c'est peut-être les deux qu'ils ont le moins massacré. Oh, bon, Au niveau respect des personnages et tout, voilà. J'aime pas ce pingouin, j'aime pas ce Riddler, mais j'aime plutôt cette relation qu'ils ont. D'accord. Oui, bah oui, c'est Je un trouve pingouin. qu'ils font un tandem un peu improbable de fous furieux, Voilà, un que peu l'un l'histoire. entraîne l'autre dans sa folie et enfin, quand ils sont ensemble, on ne sait pas jusqu'où ils peuvent aller. Clairement, Ah, c'est sûr. ils s'entraînent l'un l'autre dans une espèce de dérive complètement folle. C'est plutôt plutôt pas mal, plutôt intéressant Oui, comme relation. en plus, en même temps, enfin, là, je pense que si on l'attendait, la rencontre, et ils l'ont plutôt bien fait, et du coup, enfin, c'est marrant parce que c'est une espèce de conflit de personnalité, genre, un peu improbable, ouais, comme tu dis, et du coup, ça a plein de potentiel au niveau comique, au niveau tragique, tout ça. Bon, ça dépend après comment est-ce qu'ils feront bouger les choses, mais en tout cas, ça reste sympathique, quoi, dans la rencontre que sont ces deux personnages. Voilà, Et il y a un ça gros pouvait être. problème par contre avec le Riddler, un gros problème de logique, de scénario, de cohérence. Le Riddler, Gordon le voit associé au pingouin, il ne bronche pas. Le Riddler déboule quand même dans le commissariat et ricane, genre je sais où il est, le pingouin, tout ça, enfin tu vois, il est chez moi, enfin tu vois quand même quoi. Oui. Et ça ne dérange Personne. personne. Il n'y en a pas un qui va se dire, mais ce mec-là, il faut peut-être qu'on l'arrête aussi. C'est vrai. Il héberge le pingouin, il capture Gordon. Non, c'est pas Gordon qui capture, c'est Guy. Qui retiennent Lee. Oui, voilà, c'est Voilà. ça. Il kidnappe Lee. Enfin, on voit bien que ce mec-là est taré. Il roule clairement du côté du pingouin. Et à aucun moment, il y en a un qui se dit, faut peut-être qu'on aille regarder de son côté. Non, non, il est toujours là, à errer dans le commissariat, à faire son petit boulot et tout. Mais oh, ça, c'est pas logique, quoi. Oui, non, c'est vrai. Puisque Là, il y a ouvertement, il s'est quand même bah ouais, dévoilé. enfin, il dit ouais, c'est vrai. Ah ouais, non. Il leur aurait dit coucou, j'ai tué Miss Pringle. C'est bah ouais, c'est ça. Bah, surtout, enfin, limite, ils auraient pu se demander ce qui se passe quand tu vois qu'il pète un câble quand Lee lui demande où est Miss Kringle, tout ça. Bon. Mais puis même Tom Dougherty là, son ex-copain avec qui elle serait partie selon le Riddler, bah voilà, on l'a pas vu depuis des lustres et Lee ne Voilà. l'interroge pas. Maintenant, c'est elle qui disparaît. Enfin. Voilà. Enfin, je ne comprends pas que personne s'intéresse au cas de ce mec-là, alors que ouvertement, enfin voilà, limite, il arrive avec son costume de Riddler, le point d'interrogation et tout et machin. Tout le monde, enfin voilà, lui dirait bonjour normalement, et il irait toujours dans sa mort. Enfin, il y a un souci, quoi. Ouais, non, ils ont. C'est un peu Y a un gros trop. problème de cohérence autour de cette histoire-là. Bon. Après, bon, C'est pas le c'est vrai. premier. Après, peut-être qu'ils le réservent certainement pour plus tard, je pense, un espèce de truc sur le Riddler. Mais donc voilà. C'est vrai qu'il y a des défauts, des trucs un peu intrinsèques à la série, mais bon, quelque part, ça gêne pas non plus trop une trame narrative, un autre truc. Il y a quand même une espèce de tout narratif qui permet de contenir ça. Ce qui est plutôt, ce qui garde un certain intérêt à la série. Et d'ailleurs, alors, bah, ultime chose, parce qu'on n'en a pas parlé, mais Théo Gallivan et l'Ordre de Saint-Dumas. Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Oui, bah à la rigueur, oui, bon, oui, il est méchant, il est très méchant, on l'a bien compris. Le schéma est classique, hein, quelque part. Oui, non, il n'y a pas Le... de gros raté du côté de l'ordre de Saint-Dumas. Non, non, c'est pas. Et Galavan reste un méchant tout à fait acceptable, tout à fait, enfin, plutôt charismatique en plus, relativement intéressant et voilà, ça marche plutôt bien, c'est assez efficace et notamment par rapport à la figure de Gordon, le Chevalier Blanc. C'est vrai que là, de ce point de vue-là, bon, il y a vraiment un duel entre les deux, mais alors de là à ce que Gordon prenne le dessus en lui collant une balle, c'est vrai que là, ça reste gênant, quoi. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Voilà, Voilà pour ce débrief, ce on espère. bilan de la première moitié de saison 2 de Gotham. On se retrouve donc, alors, on va reprendre petit à petit, après ces deux lives, on va reprendre petit à petit le rythme normal des émissions, début du mois de janvier, avec donc le retour du mag qui va se faire prochainement sur nos écrans aussi. D'ailleurs, le prochain sur nos écrans, le numéro 36, sera le bilan de mi-saison d'Agents of Shield. Vous le retrouverez donc eh bien, jeudi prochain, le 7 janvier. Et puis mardi, ce sera le mag numéro 34. Que dire à part. Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, 31 décembre, évidemment, faire attention si vous prenez la route, hein. Évidemment. Et puis, on se retrouve de l'autre côté en 2016 pour une année qui nous s'annonce assez folle. Déjà, Legends of Tomorrow, rien que pour commencer. Legends of Tomorrow, déjà qui va poser déjà voilà, qui va arriver là, poser ses valises au mois de janvier. Deadpool au mois de février, Batman v Superman au mois de mars, Captain America Civil War au mois de mai, X-Men Apocalypse aussi au mois de mai, et c'est que le début de l'année, c'est que pour le premier semestre. Enfin voilà, on Sans a des compter choses assez énormes. Lucifer qui arrive, bon voilà, ok. toutes les séries qui vont continuer. Séries qui vont continuer, Preacher qui va arriver lui aussi. Enfin voilà, beaucoup beaucoup beaucoup de choses. Une année 2016 qui s'annonce hyper chargée, hyper enthousiasmante sur le papier. On sera avec vous pour vous accompagner tout au long de cette année-là et voir un petit peu si les promesses sont tenues, etc. Donc voilà, quelque chose d'assez intéressant. Bon réveillon, rendez-vous en 2016, bon comics, bon Gotham, etc. Enfin voilà, tout ce que vous voulez et à bientôt. Bonne fête à tous, à plus. Thank you.